Taxi France à 15h52 chez Men Badi avec Je vais te chercher. Juste avant, on avait l'extrait d'un nouvel album de François Feldman avec Si tu veux, et bien évidemment toujours son influence funk à François. Et oui, la suite avec Daniel Balavoine ou encore Rock Voisine. Maxi France, vous avez des souvenirs, nous avons les sons qui vont avec.